Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patarata, mon pote. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Aujourd'hui encore des talents à découvrir. Les fêtes de fin d'année, Noël en particulier, c'est dans un mois. Le froid s'est invité d'ailleurs sans doute chez vous. Les artistes n'ont pas dérogé à la règle ambiante en voulant sortir en avant-première leur titre pour les fêtes de fin d'année. Il en est ainsi pour Marie-Claude Gagnon et André Varin, l'habitué de La Courte Échelle, avec Mon plus beau cadeau de Noël, c'est toi, pour débuter cette émission. Des regards tournés vers le ciel pour voir si par hasard s'y trouve le Père Noël. Son traîneau volant, ses rênes au galop, son rire éclatant et ses millions de cadeaux. Ornés de choux d'or, de rubans d'argent et de papier de soie. C'est toi. Il entre dans la maison par la cheminée, traverse le salon sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, dépose doucement sous l'arbre endormi des dizaines de présents ornés de choux d'or, de rubans d'argent. Mets-moi mon ange, mon plus beau cadeau de Noël, c'est toi. Les clochers carillonnent, partout on réveillonne, après la messe de minuit. Les cœurs en liesse reçoivent avec tendresse les miracles de cette sainte nuit. Je n'ai pas cherché dans des coffres cachés le plus précieux qui soit. Tu vois, mon ange, mon plus beau cadeau de Noël, c'est toi. C'est le plus merveilleux qui soit. Crois-moi, mon ange, mon plus beau cadeau de Noël, c'est toi. Mon plus beau cadeau de Noël, c'est toi. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Marlène Yana a eu la chance d'être bercée dès son plus jeune âge dans le monde artistique de par un père musicien, chanteur et une sœur musicienne. Elle jouait de la batterie et c'est donc tout naturellement qu'elle fait ses premiers pas comme danseuse, chanteuse et musicienne. La voici avec la chaise et le sofa. J'ai 100 000 trucs dont je dois m'occuper. Pour une histoire, je veux pas me crever. Je voudrais pas me faire trop défigurer. Il dit, j'ai bien trop donné. Enfants, maison, vacances et potager. Mais si tu veux, on peut discuter. Ou même se voir si t'as du temps à tuer. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ses objets de combat, ses compiles de manga, il a juste voulu mon cul. Chez lui, il y a un canapé, 2-3 bières vides et des chaises usées. Des jeans au sol, du fromage râpé, des pâtes qui collent au fond de plats mouillés. Y'a des photos de ses potes bourrés, à l'horizon pas de machine à laver. Gentille maman va s'en occuper, faudrait pas laisser le petit se débrouiller. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras, il m'a sauté de. Entre ses objets de combat, ses compiles de manga, il a juste voulu mon cul. À quoi joue-t-on sinon à en profiter? Moment présent, c'est la vie qu'on n'a pas tuée. Puis y a pas le feu pour brûler d'amour. Le prince charmant n'a pas fait ses mises à jour. Mais moi les filles, j'ai rien demandé. J'ai pas voulu retomber sur un estropié. Des sentiments, je sens qu'il ment. C'est trop dément, voir l'amant comme un aimant. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ses objets de combat, ses compiles de manga, il a juste voulu mon cul. Mon cul. La chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Entre ses objets de combat, ses compiles de manga. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus. Entre ses objets de combat, ses compiles de manga, il a juste. La courte échelle. Emi Nouma également est un habitué de la courte échelle. Il est avec nous depuis les premières éditions de l'émission et le voici avec une nouveauté. Prenez donc de la hauteur. Quelqu'un me dit qu'il connaît Paris, car il s'est baladé sur les Champs-Elysées, a vu photographier la tour Eiffel. Je réponds, je n'ai ni mon ami, vous n'avez pas encore battu le haut du pavé de Paris. Alors pour votre plus grand bonheur, vous prendrez bien un peu de hauteur. Montez donc sur la butte à Montmartre, de là-haut vous aurez tout Paris à vos pieds, et un des mille un atout du quartier. Tous les atouts. Prenez donc de la hauteur. Venez visiter le village, le quartier situé au pied du Sacré-Cœur. Prenez donc de la hauteur. Grimpez par le funiculaire ou à pied les 222 marches de l'escalier. la rue Fouillatier. Prenez donc de la hauteur, descendez aux abesses, Lamarque, Blanche, Pigalle, Anvers. Surtout, n'ayez pas peur, car l'on ne bute plus sur la butte. Les Apaches d'antan, c'est l'âge, c'est brut. Yakoud, Navaja, Naguère, Surinel et Passant ont enterré l'âge de guerre depuis longtemps. Et fini le temps des trans brésiliennes. Maintenant, quand on a son pognon et qu'on soit Milord ou Tartempion, on peut aller se régaler, manger à la bonne franquette en écoutant des poètes au Moulin de la Galette. Car dans le village règne de nos jours une atmosphère sereine, paisible, glamour et prospère. Situé au pied du Sacré-Cœur, prenez donc de la hauteur. Grimpez par le funiculaire ou à pied, les 222 marches de l'escalier. Prenez de la rue Fouillatier. À la sortie du métro à Besse, entre l'église rouge et la Croix-Rouge, un couple de SDF applaudit un groupe de zikos qui groove grave avec sa grosse sono, entouré de touristes de badauds, encore sous l'effet le charme du fameux mot, le seul à garder s'il n'en avait plus qu'un, je t'aime, écrit en toutes les lettres dans le jardin, avec du bleu, blanc, rouge sur le fond. Eh ouais, le drapeau national flotte bien sur tous les frontons des écoles communales et maternelles, mais dans la rue l'on entend parler toutes les langues de la tour de Babel. Quelque part dans la rue, le pique-nique, un serveur portant une barbiche. Speak to speak, English, Spanish, Swedish, Yiddish, Turkish, Elfish, et couramment sexy. Prenez donc de la hauteur. Venez visiter le village, le quartier, situé au pied du Sacré-Cœur. Prenez donc de la hauteur. Grimpez par le funiculaire ou à pied, les 222 marches de l'escalier. Place du Terre, décor surréaliste, plus de 40 artistes caricaturistes, sans toutefois vous prendre en traître, vous propose de poser pour faire une de ces têtes. Partout des galeries d'art, des galeries ateliers, des galeries portables. Eh gars, élégamment tout est fait pour épater la galerie de l'art à prix abordable. Également pour les beautiful people, que pour les gens du peuple, les bobos et les people. Prenez donc de la hauteur. Venez visiter le village, le quartier, situé au pied du Sacré-Cœur. Prenez donc de la hauteur. Grimpez par le funiculaire ou à pied, les 222 marches de l'escalier. Prenez, prenez, prenez, prenez. De la rue Fouillatier. Prenez, prenez, prenez, prenez. Prenez, prenez, prenez, prenez. Prenez donc de la hauteur. Venez visiter le village de quartier, situé au pied du Sacré-Cœur. Prenez donc de la hauteur. Par le funiculaire ou à pied, les 222 marches de l'escalier. Prenez, prenez, prenez, prenez de la rue Fouillatier. De la rue Fouillatier. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes. Voici une nouveauté dans la courte échelle, Emilia Tarrant avec Stuck on You. I'm good. Though it's clear we have La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Avec bientôt 5 ans d'existence et plus de 100 concerts, le groupe toulousain Super Panella commence à avoir bien roulé sa bosse sur les routes du sud de la France et du nord de l'Espagne, avec pour credo la musique colombienne. Les 8 musiciens du groupe sont à l'aise dans tous les contextes et les voici avec ces petits mots. We'll be right back. La courte échelle. Un duo, toujours à Toulouse, c'est la nouvelle voix féminine de la scène toulousaine, le duo Edgar Boer, c'est de l'indie pop. Les voici avec Pensée Sauvage. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Voici Mea Culpa, le dernier single de Karim. L'artiste canadien d'origine marocaine nous livre de sa plume fine un texte touchant et puissant. Il aborde ici le suicide, qui est, avouons-le, un thème difficile, mais combien important. Karim souhaite ouvrir la porte au dialogue et sensibiliser les gens à reconnaître et accepter leurs moments de faiblesse. Karim, Mea Culpa. La vie est difficile pour un fils d'immigré. Des fois, mon pays me manque. Des fois, la haine m'alimente. Des fois, trop de fois, j'ai perdu la foi. Si Dieu existe, pourquoi la vie pour quelques-uns est si triste, hein? Y'a rien de plus magnifique que de prendre Elias dans ses bras pour la première fois. Petite sœur, sache que grand frère est fier de toi. Ça fait quelques mois que je dors pas. Ça fait quelques mois que je mange pas. Quelques mois que je pleure pas, putain. La vie est difficile, j'ai du vécu sous les cils. Je cherche l'exit. La vie est difficile, j'ai du vécu sous les cils. Je m'exile loin des reptiles. Les hommes pleurent aussi. Dis-moi qui je suis. J'ai cherché toute la nuit. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Maman était pauvre. Maman travaille trop. Maman prend une pause. Cicatrice sur la peau. Douleur dans la paume. La vie est rose seulement pour les autres. Maman sur un trône. J'ai la haine dans mes gènes. Maman t'es une reine. Mon cœur se brise. Mes larmes coulent. Le temps m'épuise. Je me noie dans la foule. Dans la foule. Les hommes pleurent aussi. Dis-moi qui je suis. J'ai cherché toute la nuit. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Les hommes pleurent aussi. Dis-moi qui je suis. J'ai cherché toute la nuit. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Eric Walker est un acteur américain. Le voici pour sa toute première collaboration avec Buddy Mix pour cet album. Voici un extrait de celui-ci, Eric Walker, dans Just For You. I won't hide the darkest.

La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voici une nouveauté qui vient de nous être transmise juste avant la préparation de cette émission. C'est Landry Verdi avec À côté. C'est un ciel, un jour nouveau. Il me faut un stylo. Il me faut un stylo pour marquer quelques doux mots à l'encre sur ta peau, à l'encre sur ta peau. Si tous les deux rien à se dire depuis des siècles ou des années, peut-être est-il temps de l'écrire ou bien est-on hors sujet. À côté de la plaque, à côté de tout, à côté. J'ai manqué de tact et payé le prix fou. À côté. À côté de la plaque, à côté de tout, à côté. J'ai manqué de tact et payé le prix fou. À côté. C'est une lune, une nuit nouvelle. Tu manques à mon appel, tu manques à mon appel. On a roulé à contresens, trop de mystère, trop de silence. Si tous les deux rien à perdre, si tous les deux tout à gagner. Tu m'as coûté tout mon salaire et ma guitare, tu m'as quitté. À côté de la plaque, à côté de tout, à côté. J'ai manqué de tact et payé le prix fou. À côté. À côté de la plaque, à côté de tout, à côté. J'ai manqué de tact et payé le prix fou. À côté. La courte échelle. Depuis les débuts sur la scène française, avec en moyenne 50 concerts par an, le groupe Cuartelo Taffy a apporté à sa touche personnelle et originale à la world music en mêlant du chant en espagnol poétique et engagé, douce nostalgie de l'exil argentin de la chanteuse au son de la Méditerranée orientale du bouzouki grec, à la douceur et à la dextérité de la guitare flamenca et au rythme envoûtant des percussions afro-latines. Soy el Indigo. Soy la rama del árbol bat. Alors mes yeux sont amis, je vais pas me manquer. La mater baba ni makfan per fouz mi baba baba baba baba mama sola le mama baba baba ya mama ya ma para bay male le na na na da da da ni mi ser ma jo baba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. C'est avec The Red Fox et Love for Happy Hour que se termine cette émission. You show up once in a while, asking me for a little favor. You'd like to bend reality, say we lack of imagination. I know you keep a place for both of us, and you think I fit just fine. You made it pure and untouchable with silk and lace and a glass of good wine. How many girls did you love the happy hour? Does that make you a happy boy? And when you're wrong this time, please change your mind. Change your mind. Change your mind. Well, I'm glad it brings you some fantasy in your little routine day. But I'm not the one to escape, guy. I just want to leave things for real. No, you can't have it both ways. Some kind of strange disease. Make me promise something you can't even give. down and go out for a ride. Take a chill pill. How many girls love a happy hour? Does that make you happy boy? Walker. When you roll me this time, please change your mind. Change your mind, please. Change your mind. Change your mind. Change your mind. Alors, eh bien voilà, si vous aimez la diversité, je pense que dans l'émission du jour, vous avez été gâtés. Il y en a eu vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la courte échelle, n'hésitez pas à aller voir et visiter bien sûr le site de l'émission. Le plus simple étant sur votre moteur de recherche préféré d'indiquer les émissions de jeff.e-monsite.com ou simplement la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. D'ici là, eh bien, soyez heureux. Je vous retrouve la semaine prochaine en ces lieux et places si vous le voulez bien. Salut! Retrouvez tous ces artistes et bien d'autres chaque semaine dans La Courte Échelle.